puisqu'elle est tienne. Sont originaires des gens qui vendent sans issue. On s'est défait de nos chaînes. Les gars sont les forces de l'apartheid dans notre âme, c'est normal. Dans ces quartiers, dans un esclave en sang, ça va faire scandale. Puisqu'elle est tienne, sont originaires des gens qui vendent sans issue. On s'est défait de nos chaînes. Les gars sont les forces de l'apartheid dans notre âme, c'est normal. Dans ces quartiers, dans un esclave en sang, ça va faire scandale. Il y a les dés sont lancés, ou du moins les deux dames sont sorties. Foutez le camp pendant qu'il est temps. 1, 2, 3 partout, tout le monde doit s'écarter, attention. Ça va péter, on éclate tout sur notre passage. C'est une parole de mes passages, faut que la France soit offensée. Je dirais même plus offensée dans mon quartier. On a tous l'écran, les crocs, alors crois-moi, viens pas faire l'euro. Si tu veux pas tâter, hésiter depuis 3 mois. Autrement, te faire perforer le corps comme du brouillard entre mon. Je vais te montrer mon savoir, ma rage, ma puissance et ma force. Parce qu'à force, j'en ai rien cul. Et puis c'est trop corsé, j'en ai rien à foutre. Ceux qui parlent mal, les choix. En plus, je vais blinder comme une putain de star de foot. Alors écoute, je te dis franchement, t'as pas ta talle. Va dire en poil, ça va être fatal, même brutal. C'est le scandale qui revient, tu vas pas tester. Tu vas te faire molester par de ton cœur incontesté. Je déteste qu'un conteste, même si la vie est un test. Je vais te faire passer pour une gotasse. À ta santé, je lèverai un toast en direct du 9-5. Je garde trop noir, trop fort. Tu vas fondre d'abord le nord, ça va être sanglant, ça va être gore. C'est trop hardcore, je te répète encore, moi c'est Biscan. La rage d'esclave dans le sang, pensant de la même façon que mes autres. Moi je viens percuter dans le son, garçon, foutre mon putain d'Elbor. De nègres à scandale ici, j'avoue. Enfile et je fous des nègres amassés dans les halls de métropole jusqu'en Afrique. Sans oublier les dom-toms, c'est pour cela que je dédicace ce putain de sommort qui résonne. Pour les bonhommes et les vrais, pas pour les buts ou les bounties. On revendique nègres à scandale et tout le reste qui nous incite. Rescapé de la mistade, c'est nous les blagues mentaires, c'est franc. Les sourcils tous les jours, c'est franc. Comme à la vue du cucus clan. Et on les porte de l'apartheid qui mon crâne, mais c'est normal. Je porte toute l'Afrique dans mon cœur et tout Guyana dans mon âme, man. C'est Biscan et Jenson, originaire des hommes. Sans issue. On s'est défait de nos chaînes. Les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne, mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang. Ça va péter. Les gars scandales ici. Biscan et Jenson, originaire des hommes. Sans issue. On s'est défait de nos chaînes. Les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne, mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang. Ça va péter. Les gars scandales ici. Ouais, c'est reparti. On va niquer la patrie, celle de ce putain de pays dans laquelle je ne fais toujours pas partie. Issu d'une banlieue sans issue, originaire d'une magnifique île. Difficile de rester tranquille car ce milieu est trop hostile. Ici tout le monde a l'écrou, tout le monde est vénère, tout le monde a la dalle. C'est chaud comme le méga scandale qui revient, qui se pose dans l'instrument mental. En plus pour l'état c'est normal. Même qu'est-ce qu'on fout aller quand tu revois dans certains endroits pour avoir accès, faut être poil. La plupart sont déprimés, je parle pour les rampins. Cette putain de mentalité, cette vie tiens putain je comprends pas. Ça c'est pour les crânes rasés, prise de haut tressé car ceux qui ont la chance de partir au bled décompressé. Alors j'espère que t'apprécies, c'est pour tous les crânes français. Toi même tu sais que c'est Biscan et Chenzo, on vient pas t'en défoncer. On voici toujours au B, tous les français sont nègres. Celui qu'on surnomme le macaque est toujours présent dans votre bled. Et rien à foutre si ça dérange, moi j'ai toujours le temps foncé. Je suis pas Jackson si c'est le cas, pardon Michael de te français. Défendre sa peau est un délit, à tous les coups je plaide ou pas. Je me fous dans la merde du Goku car je suis trop fier d'être un beau black. Sors ma plombe qui va couler, c'est toujours les mêmes putains. Je m'en bats les biens, de toute façon ces enculés vont porter plainte. J'arrive en force pour tout niquer, pour tous les refs pas clairs. Je les bataille au corps à corps afin de me défaire de ces cordes. Autour de coups jusqu'à la mort, mais je sèmerai la discorde dans tous les sens sans sentiment. Jusqu'à tant que mon bordel est corps. Et puis d'abord un assuré, on prend la route sans assurance. En grâce aux aujourd'hui pour que demain on arrive en force. Avec mon front, ça raconte. Tu sais qu'on a la dalle, comme tous les man ici on vient qu'écho dans la part de la Gaule. Après tout ici c'est chez nous, alors pour pas se gêner. Même si ça dégénère, baisons tous ceux qui nous veulent à genoux. C'est comme un dieu qu'on va reprendre, mec en pillant ta patrie. Tout ce monde de fous s'enrichit sur le dos de la terre Afrique. C'est Biscan et Chenzo, originaire des hommes, une banlieue sans issue. On s'est défait de nos chaînes, les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang, ça va pousser. Les gars scandales ici, originaire des hommes, une banlieue sans issue. On s'est défait de nos chaînes, les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang, ça va pousser. Les gars scandales ici, originaire des hommes, une banlieue sans issue. On s'est défait de nos chaînes, les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang, ça va pousser. Les gars scandales ici, originaire des hommes, une banlieue sans issue. On s'est défait de nos chaînes, les gars scandales, les portes de l'apartheid, tu as plein de crâne mais c'est normal. On doit s'écarter à ce genre d'esclaves dans le sang, ça va pousser.